les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Paturon, pas potiron, les noms propres méritent d'être bien prononcés tout de même. Même s'il s'agit de Freuden. On s'est connu dans une Freuden, on se retrouve dans une Freuden. Les personnages chez Feydeau ont de la morale. Moi, dit l'un, je trouve que l'on doit avoir les mêmes égards pour sa maîtresse que pour sa légitime. Par conséquent, il faut la tromper. Qui est infidèle, qui est fidèle, les femmes n'ont pas la bosse de la fidélité. Uniquement celle dont le mari, ou les maris, eux ont la bosse du mariage. Et certaines épouses sont fidèles, mais fidèles à en être crampons. Et certaines femmes sont très casernières. Et d'autres, comme il est de tradition, ont un sens de la famille très aigu et se rendent souvent au chevet d'une tante malade, à Passy, par exemple. Le 13 août 1967, sur France Culture, était diffusée dans le cadre de l'émission Théâtre à la carte « C'est une femme du monde » de Georges Feydeau. La distribution, Claude Pieplu, Michel Galabru, Henri Virelejeu, Yvonne Clèche, Arlette Thomas, Rosine Favet. Une réalisation de Georges Perrault. Voyons, combien mettrai-je de couverts à cette table? 2, 3 ou 4? Ça, c'est un jeu auquel je m'amuse souvent. Je me fais des paris à moi-même, des sommes énormes. Qu'est-ce que ça me coûte puisque ça me rentre, hein? Et c'est très amusant. Voyons, alors, 2, c'est pour les rendez-vous d'amour, 3 pour les ménages à 3 et 4 pour les parties carrées. Allons, ce soir, nous mettrons la partie carrée. D'abord, ça rapporte plus à la maison. Les tête-à-tête, ça n'est que la moitié. Puis, ça ne consomme pas. Ils sont toujours pressés d'arriver au café. On pourrait même dire au pousse-café. Alors, mettons 4. 10 000 francs, que ce sera 4. Et voilà les hors d'œuvre. Ah, Philomèle, arrive ici. On veut du bien de terre, toi. C'est lâche, tu vois que j'ai les mains prises. J'ai les miennes libres et j'en profite, moi. Assez, voyons. Si le patron nous voyait, tu sais qu'il ne badine pas sur le badinage. Eh bien, quelle voix. Quoi, badinage, hein? Qu'est-ce qu'il a à dire? Est-ce que le nôtre n'est pas légitime? Est-ce que tu n'es pas ma femme? Oui, c'est possible. Allons. Mais ici, je suis caissière. Et il dit qu'une caissière, c'est pas fait pour son mari, mais pour les clients. Ouais, eh bien, qui fourre donc sa femme à la caisse, il verra si c'est fait pour les clients. Oh, sa femme, tout le monde se sent vrai. Ça, c'est vrai, c'est une basilique. Et les basiliques, c'est si peu fréquenté. En attendant que je t'y prenne à badiner avec le client. Pas de danger. Tu as vu l'autre jour le gommeux qui m'a fait des avances? Stock! Je lui allonge une de ses gifles. Tu as bien fait. Seulement, ce qui m'étonne, c'est que le patron ne t'ait rien dit. Le patron? Au contraire, il m'augmentait. Allons donc. Parfaitement. Il m'a dit, une gifle, ça excite les hommes. Continuez. Oui. Tu vois donc que tu peux dormir sur les deux oreilles. Sans transpercer mes oreillers, oui. C'est tout ce qu'il me faut. Oh, Alfred, tu sais bien que je n'aime que toi. Ah, ma petite Philomèle. Oh. Comme toi aussi. Hein? Tu ne dois aimer que moi. Oh, comment donc? Dis, tu les as bien aimées, tes deux premières femmes. Mais non. C'est ça qui me fait enrager. Quand je pense qu'une autre, que deux autres, sans compter le casuel... Oh, le casuel... ...ont été comme ça entre tes bras. Oh non, ça me fait un effet. Ah, voyons, tu es enfant. D'abord, je ne sais pas aimer tant que ça. Oh, on dit ça. Puis enfin, puisque je suis veuf, doublement veuf, ce qui n'est plus, eh bien, n'en parlons plus. Eh ben oui, n'en parlons plus. Seulement, tu m'aimeras bien, dit Alfred. Mais oui, et encore davantage. Oh, pardon. Oh, un client. Je m'en vais. Mais non, du tout. Restez, monsieur, restez. Le maître d'hôtel. Toi, Phil. Oui, monsieur. Oui, eh bien, ne vous gênez pas, mon ami. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je vais vous dire, monsieur, c'était pour occuper mes loisirs. Mais je vois bien. Et puis, comme c'était un cabinet neuf, le patron m'a dit, vois si tout est bien en état pour le confort du client. Oui, vous fatiguiez les ressorts. Oh, monsieur exagère. Et qu'est-ce qui nous vaut la visite de monsieur Paturon? Tiens, vous me connaissez donc? Oh, moi, monsieur, mais je connais mon pari. C'est moi, Alfred. Ah, c'est vous, Alfred. Ah, oui, oui, oui, oui, oui. Ah oui, seulement je connais beaucoup d'Alfred. Alfred, l'ancien maître d'hôtel de la Maison d'Or. Ah, mais c'est juste, c'est juste. Je me disais aussi, j'ai vu cette binette-là quelque part. Monsieur me flatte. Et alors, c'est comme ça que vous trompez votre femme avec la caissière? Du tout, monsieur, la caissière, c'est ma femme. Comment? Je croyais qu'autrefois vous m'avez dit qu'elle était dans les téléphones. Ah, ce n'est pas la même, monsieur. Celle-ci, c'est ma troisième femme. Matin, quel gaillard. Ah, monsieur, quand on ne les mène pas de front, ce n'est pas de la gaillardise. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous avez fait de la seconde? Ah, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Elle a succombé. Oh, la pauvre femme. Elle a succombé à quelque enjôleur. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Elle a fait comme ma première, elle s'est fait enlever depuis, je ne l'ai pas revue. Eh, ben dites donc, vous n'avez pas de chance avec vos femmes. Non, hein? Monsieur, j'ai toujours eu la bosse du mariage, elles n'ont jamais eu la bosse de la fidélité. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Ça aurait fait trop de bosse dans le ménage. Mais, et alors, si je ne me trompe, vous étiez déjà divorcé d'avec votre première femme. Parfaitement. Mmh. C'est même ce qui m'a permis d'épouser la seconde. Et j'ai également divorcé d'avec la seconde, ce qui m'a permis d'épouser la troisième. Mmh. D'où il résulte que vous avez trois femmes sur le pavé de Paris. Mmh. C'est-à-dire qu'à vraiment parler, je n'en ai qu'une. Mais il y en a trois qui se croient chacune ma femme. Parce que les deux premières, elles, ne savent rien du divorce. Quand elles ont filé, j'ai fait constater la disparition et le divorce a été prononcé en leur absence. Ah, vraiment? Les deux premières ignorent... Les trois même, parce que j'ai trouvé inutile de dire à ma dernière femme que j'étais divorcé, et ça embête toujours les femmes, ces choses-là, alors je lui ai dit que j'étais veuf, c'était bien plus simple, et même si vous la voyez, je vous prierai de ne pas faire d'allusion. Oh, soyez tranquille. Je vous dis ça à vous parce que vous êtes un ami, mais Motus... Entendu, mais sans vouloir vous être désagréable, je vous avouerai que je ne suis pas venu exprès, vous comprenez, pour entendre vos histoires conjugales. Ah oui, oh, c'est juste, monsieur, oui, je me laissais aller à mes effusions. Voilà. Alors, j'aurais besoin d'un cabinet. Non, je vois. Eh bien, celui-ci, il ne vous va pas? Si, parfaitement. Alors, gardez-le-moi. Maintenant, pour le menu. Oh, rapportez-vous-en à moi. Je connais vos goûts, vous serez content. Bon. Combien êtes-vous? Oh, bêta. Je suis deux. Toujours, alors. Eh bien, j'enlève deux couverts. J'ai perdu mon pari. C'est 10 000 francs que je me dois. Garçon ! Monsieur ? Ah, tiens, mais c'est Gigolet ! Paturon ! Ah, bien, nous sommes en pays de connaissance. Ah, sympa, quel hasard vous trouve-t-on ici ? Ah, sans doute par le même que vous. Partie fine, hein? Oui, partie fine. Partie fine. Bon, merci, mon ami. Hein. Mais voilà des éternités que nous nous sommes vus. Deux ans, mon cher, deux ans. Ah, comme ça passe. Hein. On m'a dit que vous aviez une liaison. Ah, c'est vrai. Eh bien, et vous, on m'a dit que vous étiez marié. Marié? Oh, pff, liaison comme vous. Moi, j'ai toujours été pour le ménage seulement, que voulez-vous? J'ai toujours été gaucher. C'est ce qu'on appelle des ménages de la main gauche. Oui, merci, mon ami. Hein? Il est familier, ce maître d'hôtel. Oui, non, c'est Alfred, l'ancien maître d'hôtel de la Maison d'Or. Non, c'est un ami pour les clients. Ah, ouais. Je vais vous présenter Monsieur Gigolet et Alfred. Enchanté, monsieur. Oui, eh bien, Alfred, mon ami, il me faudrait un cabinet. Un cabinet... mystérieux. Pour abriter un premier amour. Voilà. Eh bien, j'ai votre affaire. J'ai un petit nid par là. Bien. Quant au menu... Oh, alors là, rapportez-vous-en à lui. Vous savez, il connaît mes goûts. Ah oui, mais il connaît pas les miens. Si, vous serez content. Je vais... Oui, seulement, je n'ai pas de veine. J'avais aussi parié pour la partie carrée. C'est encore 10 000 francs que je me dois. Je me ruinerai. Oh. Je vais mettre le couvert. Ah, alors ce cher Gigolet, ça fait plaisir de se retrouver. Je croyais bien, on s'est connus dans une fredaine, on se retrouve dans une fredaine. C'est le mot. Car Je vous avouerai que ce soir, vous savez, je trempe ma main gauche. Eh bien, parbleu, mais moi aussi, en plein coup de canif. Ah bon ? Absolument. Moi, je trouve qu'on doit avoir les mêmes égards pour une maîtresse que pour sa légitime. Par conséquent, je la trompe. Ben, dame, sans ça, alors, autant se marier. Eh bien, c'est évident. Et puis, mon cher, il faut la voir, ma nouvelle conquête. Oh, c'est une découverte. Ah, vraiment? Oh, mon cher, c'est une merveille. Ah, quoi, alors, c'est une cocotte? Oh là là, oh là, est-ce que je fréquente? Non, c'est une femme du monde. Ah, comme vous avez raison. Oh, les femmes du monde, mais il n'y a que ça. C'est le mystère, les rendez-vous discrets, c'est la perspective d'un mari ridicule, jaloux. C'est le flagrant délit qui menace, partout le danger, la crainte. Ah, quel piment dans l'amour. Tandis qu'alors que les cocottes, c'est la banalité. Sans l'imprévu, sans le péril, c'est l'amour à prix fixe. L'amour dans un bazar entre les... Oh, non. La femme du monde et rien que la femme du monde. Oui, et d'où je dois conclure que votre conquête n'est pas une cocotte. Parbleu, c'est aussi une femme du monde. Ce qui fait que nos deux bonnes fortunes... sont des femmes du monde. La mienne est la toute jeune veuve d'un colonel d'artillerie. Ah oui? Et il paraît qu'il est mort au premier feu. Allez, honneur aux braves! Et pas d'autres escarmouches depuis? Ah, aucune. Hein? Je serai sa première, la pauvre enfant. Ah. Et elle vit retirée avec sa tante. Je l'ai rencontrée hier au moment où elle allait la rejoindre. Ah. Alors il pleuvait tellement fort et elle m'a vu si mouillée, mais si mouillée qu'elle m'a dit « Monsieur, voulez-vous la moitié de mon parapluie ?» Oh, charmante enfant. N'est-ce pas? Oh. Et quelle touchante inconséquence. Est-ce qu'une roublarde aurait fait ça? Tandis qu'une femme du monde... Ça ne voit pas le danger, puis ça s'y jette. Voilà comment j'ai pu arriver, avec une peine infinie, à la décider et accepter ce soir ce premier rendez-vous. Mon cher, moi j'ai eu bien plus de peine que vous encore. Parce que la mienne, elle est mariée. Ah, oh là là, que c'est intense. Et son mari la tient. Uh-huh. Il est au Canada. Ah bah alors il la tient de loin. Oui, mais il l'a confiée à sa mère. Une de ces femmes austères qui ne transigent pas sur les principes. Elle n'a qu'une chose pour elle, elle est sourde. Ah, ben écoutez, c'est une compensation. Oui, elles étaient là toutes les deux l'autre soir au bouffe parisien. Au bouffe parisien, oui. Oh, c'est léger pour une femme austère. Oui, mais comme elle est sourde, la petite lui avait fait croire qu'elle était à l'opéra comique. À l'entente. Elle est parfaitement. Et même dans les entractes, petit amour propre de sourde. Pour avoir l'air d'avoir entendu, la mère chantonnaise, vous l'imitez. Prenez garde, la dame blanche vous regarde. Et vous preniez garde à ce que la vieille ne me regarde. Et parfaitement. Et quant à la petite, alors, très sans façon d'allure, car c'est à remarquer combien les femmes du monde sont quelquefois sans façon d'allure. Oui, c'est exact. Hein? Alors, elle m'empruntait mon programme, ma lorgnette, et puis elle me racontait la pièce. C'était la 8e fois qu'elle la voyait. Sa mère aime la dame blanche. Et bien alors, quand elle m'a eu raconté la pièce, elle m'a raconté toute sa vie. Son mariage, son mari au Canada, sa mère sévère et sourde. Et bien, et vous, alors? Moi, je lui ai raconté que je connaissais ici un petit restaurant, où les femmes mariées, dont les maris étaient au Canada, venaient très souvent, en laissant leurs mères sévères et sourdes à la maison. Comment vous lui avez dit ça? Pas comme ça. Vous pensez bien, n'est-ce pas, que cela aurait été cousu de fil blanc. Elle m'aurait envoyé promener. Évidemment, une femme du monde. La preuve que je lui ai pas dit ça comme ça, c'est qu'elle va venir ici sans sa mère. Oui, à laquelle elle aura menti aujourd'hui pour la première fois. Oh, coquin. Seulement le diable. C'est que j'avais l'autre. Ma main gauche. Elle me tient, oh là là, elle me tient. Comprenez que comme elle est très fidèle, elle n'admettrait pas que je ne le sois pas. Oui. Ah, elle est fidèle. Oh, mon ami, à en être crampon. Ah, mon cher, alors elle ne peut pas l'être plus que la mienne. Eh bien, il y a vraiment un dieu pour les amoureux. Au moment où je me cassais la tête pour trouver une craque à lui faire avaler, la voilà qui m'apporte une dépêche, qui lui disait que sa tante était au plus mal et l'obligeait d'aller passer la nuit auprès d'elle. Ah, ben voilà qui est curieux. Ma main gauche aussi. Quoi, aussi? Oui, la même chose. Ah. Sa tante malade, obligée d'aller à son chevet, et elle m'a abandonné en toute confiance. Ben, comme moi, les femmes sont d'une imprudence. Oh, folle, mon ami, folle, folle. Et en ce moment, elle est chez sa tante à Passy. À Passy? Mm-hmm. Mais la mienne aussi, à Passy. Comment? Aussi? Oh, que c'est curieux. Ah, oh, mon Dieu, curieux. Mais alors c'est peut-être la même tante? Oh. Nos deux mains gauches seraient donc parentes? Ah, ben évidemment, ça ne peut être que ça, mais alors... Mais alors, nous-mêmes, oui, nous serions parents par alliance. Tiens, mais oui, ça par alliance gauche. Oh, mon cher cousin. Mais sapristi, bavarde. Voyons, 7h05, elle doit m'attendre. Je vais donner rendez-vous en voiture au coin de la rue, à 7h. Allez, allez, moi, je m'étonne parce que la mienne devait me rejoindre ici à 7h également. Messieurs, votre couvert est mis. Ah, dites-moi, une dame n'est pas venue me demander? Non, monsieur. Bon, eh bien, je vous quitte, hein. Bonne chance. Non, dites donc, il me vient une idée. Oui. Savez-vous ce qui serait gentil? Non, quoi? Si nous réunissions nos parties fines. Tiens. Oui, oui, si nous fusionnions. Ah, mais comment vous voulez le, que... Mais oui, mon cher, non, c'est bien plus amusant. Vous comprenez, au lieu de deux tête-à-tête, une bonne partie carrée. Ben... Hein? C'est ça qui rend la glace. Supposez qu'au dernier moment, une de nos femmes du monde ait des remords. Oui. Alors, en tête-à-tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sa tête. Tandis qu'en partie carrée, il y a l'émulation, l'entraînement général. Oui, oui, oui. Oui, alors elles finissent par y mettre de l'amour propre. Oui, hein, et oui, c'est la victoire assurée. Oui. Enfin, est-ce que ça ne serait pas plus gentil? Ben oui, ça serait plus gentil. Seulement voilà, voudront-elles? Ah, c'est vrai, des femmes du monde. Et oui, on ne peut pas agir avec elles comme avec celles du demi. Oui, ils auront peut-être peur de se compromettre. Ah, oui. Écoutez, je vais demander à la mienne. Bon, eh bien, écoutez, moi aussi, et si elles acceptent... Oh, non, elles accepteront. Non, ben, au fond, la mienne est bonne fille. Mais oui. La mienne n'a pas de volonté. Alors, c'est entendu. Sauf avis contraire, la partie carrée. Oui. La partie carrée. La partie carrée. C'est beaucoup plus gai. C'est ça. Et si nous nous grisons, tant pis. Oh, moi, je me sens d'une humeur. J'ai envie d'embrasser toutes les femmes. Tiens, un autre client. Tiens, t'es gentil, toi. Oh, aïe, oh, aïe. C'est ma femme, monsieur. Ah, c'est ma... Ah, ben, oui. alors c'est autre... Alors, enchanté. Enchanté. Ben, voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et un matin, elle a la main leste, votre femme. Hein, tu as vu? Eh bien, si une femme t'en fait autant, tu feras comme moi. Si tous les ménages, monsieur, étaient comme le nôtre, ça irait mieux dans le monde. Oui, oui, c'est parlé d'or. Alors maintenant, Alfred, vous allez ajouter deux couverts. Tout de suite, monsieur. Philomèle met deux couverts. Oui. Alors, c'est la partie carrée? Eh oui. Eh bien, j'ai gagné mon pari. C'est 10 000 francs que je me dois. Mais je suis bête. Quand je perds, je me dois 10 000 francs, et quand je gagne, je me dois aussi 10 000 francs. Mais alors, je joue un jeu de dupe, moi. Bon, c'est bien, je ne paierai pas. Voilà le couvert est mis. C'est bien, c'est bien. Alfred, vous avez commandé le dîner? Non, je descends à la cuisine. Toi, Philomèle, à la caisse. Ah, vous avez peur de la laisser avec moi? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Eh bien, merci de votre confiance. Merci. Oh, je suis décoiffé. Et ma mèche qui ne tient pas. Oui, ah, sans cela, le reste va bien. Ah, oui. Ah, je suis en beauté ce soir. Oh là, sapristi, est inexact. Ça, c'est le défaut des femmes du monde, ça. Elles sont inexactes. Si vous voulez entrer, madame. Ah, la voici. C'est donc les femmes qui font le service? Le maître d'hôtel est à la cuisine, madame. Oh, c'est charmant. Elle croit que ce sont des femmes qui font le service. Ah, vous voilà, monsieur. Oh, monsieur, non, ne m'appelez pas monsieur. C'est que je vous connais si peu. Mais si ce n'est pas pour moi, que ce soit au moins pour le personnel qu'il croit que c'est un mari avec sa femme. Oh, monsieur, que dites-vous là? Ah, mais oui, c'est... c'est pour ne pas vous compromettre. Ah, la bonne heure. Oh, je suis si émue de cette folie que je fais. Dans la rue, je me figurais que tout le monde me regardait. Je m'enfonçais dans mon fiacre. Il me semblait que je n'arriverais jamais. Ah, et moi donc? C'est pour ça que je suis arrivée si en avance. Vous savez, ce n'est pas si en avance que ça. Hein. Allons donc. Ah non, c'est juste. Hein. Vous savez que le rendez-vous était pour 7h et il est 7h en quart. Oh monsieur, si ma tante me voyait, elle me tuerait. Bah, vous auriez quelque chose à lui raconter. Oui, mais il y en a un à qui on n'en raconte pas. Ah, qui ça? Lui, là-haut. Comment, il y a quelqu'un au-dessus, hein? Mon pauvre mari qui me voile de là-haut. Ah bon? Ah, oh, bien non, ne parlons pas de lui, hein. Non, non, ne parlons pas de lui. Oh non, n'est-ce pas? Non, n'en parlons pas, n'en parlons pas. Dites-moi que vous n'abuserez pas de la situation. Mais non, monsieur. Oh, puis ne m'appelez pas monsieur, non. Appelez-moi Paturon. Potiron? Ah non, mais non, pas Potiron, Paturon. Ça se ressemble. Mais non, ça ne se ressemble pas. Allons, voyons, soyons gays, soyons. Nous allons faire un bon petit dîner, il y aura du champagne. Oh. Vous avez déjà bu du champagne. Je te crois. Ah. Oh, pardon, je me suis laissée aller à vous tutoyer. Non, mais laissez-vous aller, allez-y. C'est que je ne me reconnais pas, voyez-vous. Moi, toujours si réservée. Vrai, je ne puis me défendre d'une étrange sympathie pour vous. Je vous connais à peine. Cependant, je me demande pourquoi. Non, ne vous demandez pas. Regardez-moi. Mais oui, ça doit être ça. Vous avez le nez de mon pauvre mari. Du colonel? Non. Il l'avait beau. Oui, ben je ne vous dis pas, mais nous avions promis que nous ne parlerions pas de lui. Alors non, n'en parlons oui, pas. Oui, hein. Oui, je vous demande pardon. Voyons, nous sommes en tête à tête, alors soyons à notre tête à tête. Oui, vous avez raison. Quand le vin est versé... Oh, il faut le boire. Oh, qu'elle a de l'esprit. Oh là là. Et tenez, je vais vous faire une proposition. Quoi? Il faut d'abord que je vous dise que moi, je suis un dilettante. Vous voulez faire de la musique? Oh non, Dieu m'en garde. Non, je veux dire que je suis un artiste, un raffiné. Eh bien, voyez-vous, quand j'ai un plaisir, j'aime à le faire durer, à le retarder, à le contrarier, même quelquefois, pour le goûter plus pleinement après. Je vous comprends pas. Non, ne cherchez pas à approfondir. Il y a un peu de... Allons, de dépravation là-dedans, oui. Oh. Ce sont là de ces subtilités auxquelles on n'arrive qu'après avoir quitté le bel âge, où l'on est simplement gourmand pour entrer dans celui où l'on est gourmé. Enfin, quoi, nous voilà en tête à tête, aucun obstacle entre nous, n'ayant qu'à étendre la main pour arriver à ce dénouement auquel il faut bien qu'on arrive, mais qui gagne tellement à être différé. Oh, il me fait l'effet d'un homme qui ne se sent pas en voie. Eh bien, ces obstacles qui nous manquent, qu'est-ce qui nous empêche de nous les créer, hein? Qu'est-ce qui nous empêche de dîner ensemble, mais entre des indifférents dont la présence nous gênera, n'ayant qu'une perspective, le moment où nous en serons débarrassés. Ah non, voyez-vous, il n'y a que ça de vrai. Et n'en déplaise au philosophe qui a dit « Où ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir », je lui dis moi « Où ce qu'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir ». Où voulez-vous en venir? Nous ne pouvons pas dîner à table d'hôte. Écoutez, je viens de rencontrer un ancien ami à moi. Hein? Il est comme moi, en partie fine. Alors j'ai pensé qu'au lieu de dîner tous les deux ensemble, nous pourrions dîner tous les quatre. Oh, mais permettez. Quelle est la femme? Enfin, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est une femme du monde. Oh, sans cela, je ne vous en aurais pas parlé. Une femme du monde? Ah, alors oui. Ça m'amusera de dîner avec une femme du monde. Et vous savez, c'est un garçon charmant, spirituel. Il est riche? Très riche. Mais il a une grue qu'il dévore. Une grue? Oh, pardon, une courtisane. Oh, quelle horreur. Ne m'en parlez pas. Riche? Je lui soufflerai à sa grue. Alors, c'est entendu? C'est entendu. Mais je voudrais bien me débarrasser de mon manteau. Attendez. Monsieur ? C'est madame qui veut se débarrasser de son manteau. Mais oui, si madame veut entrer là. Mais parfaitement. Venez-vous. Voilà, voilà, chère madame. Mais qu'est-ce que c'est que celle-là ? Une femme du monde ou une cocotte ? Vraiment, aujourd'hui, il n'y a plus moyen de s'y reconnaître. Venez. C'est ici, madame. Vous voyez ? Très gentil. Ah, merci. Très gentil. C'est ça qu'on appelle un cabinet particulier, alors ? Tout simplement. Oh, mais c'est grand. Ah, mais... Moi, je me figurais qu'un cabinet particulier, c'était tout petit comme un sleeping car. Charmante innocence. Madame n'a besoin de rien. Non, merci. Bon, alors, c'est entendu, hein? Pour la partie carrée. Oh, oui, mais vous me promettez que c'est une femme du monde. Oh, bah, naturellement. Et lui, qu'il est discret. Oh, mon ami, c'est une tombe. Oh, c'est pas gay. Oh, bah, c'est une tombe gay. Oh, j'ai tellement peur d'être compromise. Oh, je connais ma mère. Si elle apprenait jamais mon équipée, elle me tuerait. Voyons, voyons, ne pensez pas à ça. Tenez, entrez par là et débarrassez-vous de votre chapeau. Allons, puisqu'il le faut. Oh, monsieur, je suis bien coupable. Mais non, ça se fait tous les jours. Allez, moi, je vais jeter un petit coup d'œil sur le menu. Eh ben, voyons, où est Alfred ? Tiens, Gigolet, vous êtes revenu ? Eh ben, oui. Alors, votre conquête. Elle est là. Ah ! La mienne est là. Oh. Et... Bon, eh bien, je vais jeter un coup d'œil sur le menu. Venez-vous ? Je vous suis. Vous partez ? Pierre-France, vous permettez un moment, je vais jeter un coup d'œil sur le menu. Mais allez, monsieur. Oh, encore ? Non, petit. Il n'y a pas de petit potapotapot, c'est Paturon. Ah oui, merci. Eh bien, allez, Paturon. Oh, elle est charmante. Hein. Ah, une femme du monde. Je vais dîner avec une femme du monde. Si ce pauvre gigolet me voyait, faudrait que les hommes soient bêtes. Dire que la tante malade, c'est vieux comme le monde qui s'apprend toujours. Me voilà prête. Et dire que ce pauvre Paturon ne se doute de rien. Oh, une dame. Tiens, c'est la femme du monde. C'est la femme du monde. Madame. Madame. Une femme du monde, soignons le style. Je suis heureuse, madame, de l'éventualité que me vaut l'heure d'entrer en relation avec vous. Oh là là, comme ça parle les femmes du monde. Madame, l'heure est tout entière pour votre serviteuse. Trice. On dit les deux, je crois. Les femmes comme nous disent comme elles veulent. C'est une des prérogatives de notre monde. Évidemment. Évidemment. Qui me dit pendant que j'eusse moi, oh j'eusse, la joie grande de collationner ce soir avec vous. Mais je l'eusse cru moi-même, madame. Je vois, madame, que vous êtes très peu sortie cet hiver. Oh, très peu, très peu. En effet, j'eusse beaucoup de balles cet hiver dans la haute. Évidemment, évidemment, nous n'allons que là, dans la haute. Et il ne me souvient pas que je vous y rencontrasse. Oh, madame, je suis si casernière. Vraiment? Oh, très casernière, c'est le mot. Je serais bien allée dans le grand monde, mais j'avais toujours peur qu'on ne s'y embêtasse. Et vous allez beaucoup aux courses? Mais très souvent, ma toute chère. Seulement, j'ai un guignon. Eh bien, pas plus que moi. Dimanche, on m'avait donné un tuyau. Ah, oh, qui vous l'avez donné? C'est le palefrenier du marquis. Enfin non, de mon ami, le marquis des Granges. Eh bien, ma chère, je colle ce que j'avais sur moi chez Poutrinçon, le bookmaker. La main Zizi ? Précisément. Eh bien, ma bonne, quand j'ai voulu me faire payer, il avait filé. Oh. Hein ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? Oh, c'est pignouf. Mais absolument pignouf, mais que je te le rattrape. Oh, ce monde de bookmaker. Quel monde ! Oh, n'en parlez pas. Heureusement que nous n'en sommes pas. Et qui c'est qui vous coiffe, ma toute belle ? C'est Vira ? Oh, Vira. Tignasson. Ils coiffent bien. Oh, c'est-à-dire qu'il faut être sa cliente. Moi, je lui ai dit, vous savez, Tignasson, je veux bien que ça soit vous qui me coiffassiez, mais faudra soigner ça. Tenez, vous ne videz pas le chapeau que j'ai ce soir? Mais non, je ne le vis pas. Oh, ma chère, épatant. Vous allez voir ça. Charmante, et quel genre, quelle distinction. Ah, ne vous impatientez pas, on apporte le dîner. Je vais vous présenter mon ami. Avec plaisir. Et alors où est-il maintenant? Ah, oh, mais venez donc. Voilà. Ah, ma chère amie, je vous présente... Gigolet. Pervenche. Ils se connaissent? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est moi qui vous le demande. Oh, c'est trop fort. C'est comme ça que vous soignez votre tante. Hein? Oui, je vous engage à parler de moi. C'est vous qui soupez avec la femme du monde. Mais il ne s'agit pas de la femme du monde. Vous êtes ici avec monsieur. Mais non. Il n'y a pas de nom. À vous marcher sur mes plates-bandes. Bon, pensez-vous. À vous me prenez ma maîtresse, et ben vous m'en rendrez raison. Écoutez, n'y pensez pas, tout ça, n'y pensez pas. Oh, Giboulette! Paturon! Hein? Qu'est-ce que vous faites ici, malheureuse? Qu'est-ce que vous faites ici? Misérable, vous me trompez avec madame! Et vous me trompez avec monsieur? Ah, ça se passera pas comme ça! Monsieur, vous m'en rendrez raison! Vous aussi, là! Ah, tu me prends Paturon, toi! Ah, tu me prends, Gigolet! Qu'est-ce qu'il y a? Voyons! Monsieur, mesdames, voyons, madame! Pervenche, ma femme! Mon mari! Hein? Ah mon Dieu, Giboulette, ma femme. Mon mari? Encore? Mes deux femmes, filons. Alfred, veux-tu m'expliquer? Alfred! Ah, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça? Oh, quelle aventure! Aïe. Et dire que nous allions être assez bêtes pour aller sur le terrain en leur honneur. Vous savez, Paturon, oui. Ça n'a jamais été une femme du monde. Oh, écoutez, la mienne non plus. Sommes-nous bêtes, hein? Ils ne sont plus ici. Ça, et dites-moi, qu'est-ce qui vous a pris de filer comme ça? Oui, demandez-lui, monsieur. Tu connais donc Giboulette? Mais dis-moi, tu connais Pervenche? Hélas, messieurs, ce sont mes deux femmes. Oh, mon pauvre Alfred! Mais sacripant! Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais deux fois divorcée, hein? Ah, c'est que tu es tellement jalouse, je me suis dit, elle sera moins jalouse d'un passé mort que d'un passé vivant. Mais grande bête, au contraire! Je me disais, il est veuf, ça ne prouve pas qu'il est désiré. Mais du moment que t'es divorcée, c'est que tu l'as bien voulu. Alors? J'ai pas à être jalouse. Ah, si j'avais su. Oui, mais alors avec tout ça, nous n'avons pas dîné. Ah, nous, hein? Alors, Alfred, bon, c'est fini tout ça. Alors, servez, hein. Voilà, monsieur. Potage à la bisque. De la poudre au moineau, là. Au moineau, eh oui. Allons donc, nous les retrouverons, les belles. Ces messieurs ont l'intention de revoir ces dames? Oui, écoutez, ça ne vous fâche pas? Pas du tout, non, mais si j'ai un conseil à donner à ces messieurs, tenez-les bien, car je les connais, elles vous lâcheraient. C'était Théâtre à la carte. C'est une femme du monde de Georges Feydeau, avec Claude Piéplu, Michel Galabru, Henri Virlejeu, Yvonne Clèche, Arlette Thomas et Rosine Favet. Réalisation Georges Perroux. Première diffusion sur France Culture le 13 août 1967. Vous pourrez réécouter cette pièce sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.